Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gourmet du Pré 1862. Question 65. Du nombre des sacrements. Il y a 7 sacrements, leur ordre respectif, excellence et supériorité de l'Eucharistie, 3 sacrements plus spécialement nécessaires au salut. 1. Devait-il y avoir 7 sacrements dans l'Église? Nous l'avons dit, perfectionner l'homme dans le service de Dieu et remédier aux maux du péché, telles sont les deux fins des sacrements. Or, à l'un et à l'autre de ces deux points de vue, on peut se convaincre que c'est avec sagesse que les sacrements ont été institués au nombre de 7. Premièrement, la vie spirituelle a de l'analogie avec la vie corporelle, de même que tous les êtres corporels en ont avec les êtres spirituels. Dans la vie corporelle, l'homme est perfectionné sous un double rapport, quant à sa personne même, et quant à la société dans laquelle il vit. Quant à sa personne, il tire la vie corporelle de la génération, qui lui donne l'être, de l'accroissement, qui le conduit à sa force naturelle, de la nutrition, qui entretient sa vigueur. La vie spirituelle ressemble à la vie corporelle sous ce triple rapport, et la sa génération dans le baptême, que l'apôtre appelle une régénération en disant, « Dieu nous a sauvés par le bain de la régénération », Tite 3:5. Et là son accroissement dans la confirmation, qui donne le Saint-Esprit pour fortifier l'âme, comme le marque cette parole du Christ à ses disciples, déjà baptisés, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut, Luc 24, 49. Et là sa nutrition dans l'Eucharistie, car il est dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Jean 6, 54. La vie corporelle se perfectionne accidentellement en éloignant les maladies et tout ce qui fait obstacle à son développement, et il y a pour elle deux sortes de guérisons, l'une qui lui rend la santé, l'autre qui rétablit le corps dans son premier état au moyen d'un régime convenable. Il en est de même dans la vie spirituelle, où l'âme a besoin d'un double remède. La pénitence lui rend la santé spirituelle, conformément à cette parole, « Guérissez mon âme, car j'ai péché contre vous. » Psaume 40, 5. L'extrême onction, effaçant les restes du péché, lui donne son premier état et la prépare à la gloire éternelle, qui est sa fin. Ce qui fait dire à Saint Jacques, 5, 15, si le malade a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Pour ce qui regarde la société, l'homme est perfectionné par le pouvoir de gouverner la multitude au moyen d'actes publics, et par l'aptitude à la propagation naturelle. Le sacrement de l'ordre, dans la vie spirituelle, investit l'homme du pouvoir de diriger les âmes et de faire les actes nécessaires à cette fin, car l'apôtre dit, les prêtres offrent des victimes non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le peuple, Hébreux 7, 27. Le mariage, comme sacrement, contribue à la propagation de la vie spirituelle non moins qu'à celle de la vie corporelle. Deuxièmement, au seul point de vue du péché, il serait aisé de montrer l'harmonie du nombre septénaire avec nos besoins spirituels, le baptême remédie à la privation de la vie spirituelle, la confirmation fortifie l'âme dans la vie spirituelle. L'Eucharistie est un préservatif contre l'inclination au péché, la pénitence remet les péchés actuels commis après le baptême, l'extrême onction délivre des restes du péché que la pénitence n'a pas suffisamment effacé. L'ordre empêche la société de se dissoudre, Le mariage remédie à la concupiscence personnelle, en même temps qu'il remplit les vies de la mort. Note. On ne range pas parmi les sacrements la bénédiction de l'eau et d'autres consécrations qui, sous le nom de sacramentaux, sont des remèdes ou des préservatifs contre le péché véniel. Aucun sacrement, excepté, selon quelques-uns, l'extrême onction, n'est institué pour remédier directement au péché véniel. On peut en obtenir le pardon sans l'infusion de la grâce. Fin de la note. 2. Le rang que nous venons d'assigner au sacrement est-il celui qui convient? Ce rang, le voici, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême onction, l'ordre et le mariage. Les raisons qui le justifient résultent de l'explication précédente. En effet, l'unité étant antérieure à la multiplicité, les sacrements qui ont pour fin la perfection de l'individu précèdent naturellement ceux qui se rapportent à la multitude. Voilà pourquoi l'ordre et le mariage, destinés à perfectionner la société, sont placés les derniers dans notre énumération. Le mariage est après l'ordre, parce qu'il appartient moins intimement à la vie spirituelle, la fin des sacrements. Pour ce qui concerne la perfection de l'individu, les sacrements destinés par leur essence au perfectionnement de la vie spirituelle ont naturellement la priorité sur ceux qui ne s'y rapportent que d'une manière accidentelle. L'extrême onction, qui achève notre guérison, est naturellement postérieure à la pénitence, qui la commence. Des trois autres, le premier est manifestement le baptême, qui confère la régénération spirituelle, le second, la confirmation, qui donne à la vertu sa perfection, et le troisième, l'Eucharistie, destiné à nous mettre en possession de notre fin. Note. On dira peut-être que la pénitence devrait être placée avant l'Eucharistie. Il en serait de la sorte, si elle y était une préparation absolument nécessaire. Mais il n'en est pas ainsi. L'homme exempt de péché mortel peut communier sans recourir au sacrement de pénitence, qui ne prépare à l'Eucharistie que par accident, c'est-à-dire, dans la supposition que le péché existe. Fin de la note. 3. L'Eucharistie est-elle le plus excellent des sacrements? On démontre l'affirmatif par plus d'une raison. Ce sacrement contient le Christ lui-même substantiellement, les autres ne contiennent qu'une vertu instrumentale, qui leur est communiquée par le Christ. Tous les autres sacrements paraissent se rapporter à l'Eucharistie comme à leur fin. L'ordre a pour but sa consécration, le baptême ouvre la voie vers elle, la confirmation fortifie contre la crainte qui en éloigne. La pénitence et l'extrême onction disposent à la recevoir dignement. Le mariage, symbole de l'union du Christ avec l'Église, y touche encore par sa signification, puisque l'union même dont il est le signe a pour sceau le sacrement de l'Eucharistie. Éphésiens 5, 32. Le rite lui-même des sacrements nous montre que l'Eucharistie est la consommation de presque tous les autres, car ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre communient, comme les adultes que l'on baptise. 4. Tous les sacrements sont-ils de nécessité de salut? Les enfants sont sauvés par le baptême seul, sans les autres sacrements. Une chose est nécessaire à une fin de deux manières, lorsque, sans elle, on ne peut atteindre cette fin, et lorsque, sans elle, on ne l'atteint pas aussi convenablement. Trois sacrements sont nécessaires au salut de la première manière. Deux le sont pour l'individu, le baptême, simplement et absolument, la pénitence, Dans le cas où un péché mortel a été commis après le baptême. Le troisième est nécessaire à l'Église, considérée comme société, c'est celui de l'ordre, parce que, comme le dit le sage, où il n'y a personne pour gouverner, le peuple périra. Proverbe 11, 14. Les autres sacrements sont nécessaires de la seconde manière. La confirmation est, sous quelques rapports, le complément du baptême, l'extrême-onction, celui de la pénitence, le mariage conserve, par la propagation du genre humain, la société dont se compose l'Église. Note. Tous les sacrements étant nécessaires de l'une ou de l'autre manière, il n'en est aucun qui soit superflu. On demandera peut-être pourquoi nous ne regardons pas l'Eucharistie comme aussi nécessaire que le baptême, car s'il est dit d'un côté, quiconque ne renaît pas de l'eau, ne peut entrer dans le royaume des cieux, Jean 3:5. Il est pareillement écrit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous, Jean 6:54. La raison n'est que ces paroles qui la concernent, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous, doivent s'entendre, comme l'explique saint Augustin, de la mendication spirituelle, et non pas exclusivement de la mendication sacramentelle. markhamdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.